إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Chers frères, chers sœurs, tous ceux qui lisent le Coran ou l'écoutent ont sûrement lu l'histoire de Qarun. Aujourd'hui, inshallah, nous allons déduire de l'histoire de Qarun. Cette histoire se trouve à la fin de la sourate Al-Qasas, c'est à partir des versets 76-77 jusqu'au verset 83. Nous allons déduire des leçons et des enseignements qu'on ne peut tirer que par la méditation et la réflexion. Avant tout, j'appelle à une chose, c'est que nous devons changer notre comportement vis-à-vis du Coran. Nous devons traiter le Coran de manière différente. Il faut savoir, chers frères, chères sœurs, que le Coran est la parole d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah a réellement parlé pour révéler le Coran. C'est sa parole et un de ses attributs de perfection. Et de ce fait, il est inimitable. Les versets du Coran sont une source intarissable d'enseignement. Ils ont un potentiel énorme. Les exégètes en puisent, les fuqaha en puisent, les gens du hadith en puisent, les linguistes, les lexicographes, les historiens, les éducateurs, les moralistes, ils en puisent des enseignements. Et ils donnent, chacun, il fait jaillir une des sources du Coran, et les sources du Coran sont intarissable. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa nazzalna 'alayka al-kitaba tibyanan likulli shay' wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin dans sourate An-Nahl. Et nous avons fait descendre sur toi le livre en explicitation de toutes choses et comme guidance, miséricorde et bonne nouvelle aux musulmans. J'ai dit qu'il faut que nous changions notre comportement envers le Coran. D'abord, il faut que nous le récitions régulièrement. La récitation est en soi un acte d'adoration, une bénédiction et une purification. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith connu, من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. Celui qui récite une lettre du Coran aura à son actif une bonne action qui lui sera comptée pour 10. والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Je ne dis pas qu'ألف لام ميم constitue une seule lettre, mais bien qu'ألف est une lettre, لام est une lettre et mime est une lettre. La plupart des frères qui sont tombés dans l'égarement, c'est justement à cause de leur abandon du Coran. Quand on commence à négliger le Coran, c'est le premier signe de la baisse de la foi. Et là, qu'est-ce qui se passe? La controverse, le jidal, la polémique, il prend la place de la méditation et de la récitation du Coran. L'ostentation, ria, prend la place à la pureté de l'intention. Accrochons-nous au Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, Abshirou, Abshirou. Il dit à ses compagnons, réjouissez-vous, réjouissez-vous, ayez cette bonne nouvelle, ayez cette bonne nouvelle. Allez, satashhadouna an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ne témoignez-vous donc pas qu'il n'est de Dieu si ce n'est Allah et que je suis l'envoyé d'Allah. Qalou na'am. Les compagnons ont dit oui. Que si, répondirent les compagnons. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. Il a dit, sachez que ce Coran est un moyen symbolisé par une corde dont l'une des extrémités est dans la main d'Allah et dont l'autre extrémité est dans vos mains. فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعد أبدا. Il s'agit que ce Coran est un moyen symbolisé par une corde dans l'une des extrémités et dans la main d'Allah et dans l'autre extrémité et dans vos mains. Si vous vous attachez, si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez pas et vous ne tomberez pas dans la perdition. C'est un hadith authentique rapporté par Tabarani. Il se trouve dans ces 7 hadiths sahihs de Cheikh Albani. Le sens implicite, mafhoum, hadal hadith, le sens implicite de ce hadith, c'est si vous lâchez cette corde, vous lâchez le Coran, hein, vous vous égarerez et vous tomberez dans la perdition. Il faut réciter le Coran quotidiennement. C'est comme ça qu'on peut s'y attacher. Mais il faut aussi le réciter ou l'écouter d'une manière particulière. Il faut le recevoir avec ton cœur. Il faut le recevoir avec ton cœur et tous tes sens. Il faut le recevoir avec ton cœur et tous tes sens. C'est ce qu'on appelle menhaj talaqi. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète? Il lui a dit wa innaka latulaqqa al-Qur'an min ladun hakimin alim. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit certes, tu reçois le Coran de la part d'un sage, d'un omniscient. Wa innaka latulaqqa, tu reçois. Il faut donc prédisposer tes sens pour accueillir les paroles d'Allah. Tu dois prédisposer tes sens. Ton cœur doit faire acte de présence et tu dois tendre l'oreille. Allah subhanahu wa ta'ala qala inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb ou alqa as-sam'a wa huwa shahid. Dans sourate Qaf. Il y a là en vérité un rappel pour quiconque possède un cœur, tend l'oreille et porte témoignage. Tend l'oreille ou alqa. Remarquez avec moi alqa as-sam'a. Donc il y a manhaj talaqqi, la réception. La réception de ce Coran avec tes oreilles, ton cœur et tous tes sens. L'emploi du mot alqa, tulaqqa, nulqi relativement au Coran se répète souvent dans le livre d'Allah. Comme a dit subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Muzammil, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons projeter sur toi une parole lourde. Pour rapprocher davantage la notion du talaqi, la notion de la réception de la révélation d'Allah par ton cœur et tes sens, c'est comme si ton cœur, il faut agir de cette manière, il faut agir en sorte, c'est comme si ton cœur souffrait d'un mal, d'une maladie, et que les versets du Coran descendent sur ton cœur comme un remède salutaire. C'est comme si ton cœur est malade. Il souffre d'un mal, il y a un vide spirituel, et que les versets du Coran descendent sur ton cœur comme un remède salutaire. Ou c'est comme si tu te trouvais dans l'obscurité et qu'en récitant le Coran, ces versets t'apportent de la lumière et t'illuminent la voie. Il faut réciter le Coran, lire le Coran dans cet état d'esprit. Ou c'est comme si tu étais une terre aride et que le Coran était une pluie salvatrice, chaque verset que tu récites est une goutte d'eau qui t'apporte de la vie. Ou c'est comme si tu étais mort et que le Coran te revivifie. Eh bien écoutez, c'est exactement ces qualificatifs-là qu'Allah a donné au Coran. Allah a qualifié le Coran de remède. Il a qualifié de remède. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Dans sourate l'Isra, et nous révélons dans ce Coran ce qui constitue une guérison et une miséricorde pour le croyant. Dans un autre verset, يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. aux gens, ce qui vous est venu de votre Seigneur, c'est une exhortation, un remède pour le mal qui ronge les cœurs, une guidance et une miséricorde en faveur des croyants. Donc une guérison du mal qui ronge le cœur, une guérison de ce dont ce cœur souffre, comme chagrin, comme mélancolie. Un remède contre les shahawat, les désirs concupiscents, hein, contre shahawat et les passions. Un remède contre l'avidité, l'avarice, la haine, l'envie, l'orgueil, l'ostentation. Hein? Un remède contre les choubouettes, les mauvaises opinions, les mauvaises compréhensions, les innovations, les bidas et les fausses doctrines. Voilà, tu dois réciter le Coran dans cet état d'esprit. C'est-à-dire, c'est comme si ton cœur est malade et que là, pendant que tu le récites, il t'apporte le remède. Comme autre qualificatif que j'ai dit, Allah qualifie le Coran d'esprit. Ruh. Esprit. Quand on parle d'esprit, on parle d'âme, on parle de vie. Esprit qui redonne la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. » Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit. Et l'esprit ici, c'est le Coran. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit procédant de notre ordre, ruham min amrina, alors qu'auparavant tu ne savais ni ce qu'est le livre, ni ce qu'est la foi, ma kunta tadri mal kitab wala al-iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Et nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons d'entre nos serviteurs, comme a dit subhanahu wa ta'ala dans surat Shura. Donc Allah a qualifié le Coran d'esprit. Quand vous récitez le Coran, vous allez remarquer que le croyant est assimilé au vivant et que le mécréant est assimilé au mort, parce que ce dernier est sourd à la vérité. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sourd, muet, aveugle. Le mécréant, il est sourd à la vérité, il n'entend point. Il est aveugle à la vérité, il ne la voit point. Il est muet à l'égard de la vérité, il n'en parle point. Il est insensible à la vérité, il n'agit pas en fonction d'elle. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, « Awa man kana meitan fa ahyaynah » وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Celui qui était mort et que nous avons revivifié, celui qui était mort et que nous avons revivifié, et à qui nous avons donné une lumière avec laquelle il va parmi les hommes, est-il comme celui qui est dans le cas de quelqu'un qui est dans les ténèbres et qui n'en sort pas? وجعلنا له نورا, nous avons donné une lumière يمشي به في الناس, avec laquelle il va parmi les hommes. كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. A-t-il comme celui qui est dans les ténèbres et qui n'en sort pas? Comme Allah dit subhanahu wa ta'ala dans surat Al-An'am. Quelle autre qualité donnée aussi au Coran? La pluie. Le Coran est assimilé à l'eau qui ressuscite la terre aride. Allah subhanahu wa ta'ala قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية. Il a fait descendre du ciel de l'eau qui coule dans les vallées, chacune selon sa capacité, et le courant charrie l'écume qui surnage. Dans Surat Ar-Ra'd, Surat Tonnerre. Le tonnerre. Il a fait descendre du ciel de l'eau. Il a assimilé le Coran, la révélation, à l'eau. فسالت أودية بقدرها. Il a fait descendre du ciel de l'eau qui coule, fasalat, qui coule dans les vallées, chacune selon sa capacité, biqadariha. Et le courant charrie l'écume qui surnage, fahtamal as-saylu zabad ar-rabdiya. Comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Kitab al-Wabil Sayyib, il a dit la révélation qu'Allah a fait descendre pour vivifier les cœurs a été assimilé à l'eau qu'il a fait descendre du ciel. Et les cœurs porteurs de cette révélation sont comparables aux vallées. Les vallées, comme c'est cité dans ce verset-là, il a fait descendre du ciel de l'eau qui coule dans les vallées. Ibn al-Qayyim a dit, et les cœurs porteurs de cette révélation sont comparables aux vallées qui portent le courant. Il existe des cœurs qui sont suffisamment grands pour contenir un savoir immense, comme les grandes vallées. Les grandes vallées qui peuvent contenir de grandes quantités d'eau. Et il existe des cœurs petits, comme les petites vallées, ils ne peuvent contenir que peu de science. Puis il a dit, Ibn al-Qayyim, rahmallah, il dit, comme l'eau du fleuve jette les brins de végétaux et l'écume sur ses rives pour ne laisser que l'eau douce par laquelle Allah irrigue la terre et fait vivre les hommes, le Coran aussi, qui dès son contact avec le cœur, soulève en lui ce qu'il contient comme déchets des désirs concupiscents et comme écume des ambiguïtés. Donc l'eau, elle tombe comme ça. La révélation descend sur le cœur du croyant comme la pluie tombe et elle charrie l'écume, elle charrie le torrent qui naît à partir de cette pluie. Ben, il emporte avec lui les brins et les déchets, il les jette sur les rives. Ben, pareil, quand le Coran descend sur le cœur du croyant, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il soulève l'écume. Il soulève. Et l'écume, c'est quoi? Ce sont les ambiguïtés, ce sont les shubuhat et ce sont les shahawat. Il les enlève. Et c'est comme ça qu'il faut recevoir le Coran. Ton cœur est plein de shahawat et de shubuhat. Bon, tu reçois le Coran pour le nettoyer, pour que cette eau salvatrice, ce Coran, charrie l'écume, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Ar-Ra'd, enlève ces ambiguïtés-là, ce doute-là, ce scepticisme-là, hein, et fait installer la certitude et la foi. Donc, chers frères, il faut réciter le Coran dans cet esprit, dans cet état d'esprit. C'est-à-dire, comme un esprit, ruh, qui redonne la vie au cœur, comme une pluie salvatrice, et comme un remède, et aussi comme lumière. Comme lumière. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans Surat An-Nur, Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Mathal nurihi kamishkatin fiha misbah. L'image de sa lumière est une niche où se trouve une lampe. Al-misbah fi zujaja. La lampe est dans un cristal. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun dhurri. Le cristal, on dirait un astre étincelant. كَأَنَّهُ كَوْكَبٌ ذُرِّي يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَ. Il tire son combustible d'un arbre béni. شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ. Un olivier qui n'est ni de l'Orient ni de l'Occident. يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ. Dont l'huile éclaire presque sans que le feu ne la touche. Nourun ala nour, lumière sur lumière. Yahdillahu li nourihi man yasha. Allah guide qui il veut vers sa lumière. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Wallahu bi kulli shay'in alim. Lumière sur lumière. Allah guide qui il veut vers sa lumière. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Il propose des exemples aux hommes et il est omniscient. Allah bi kulli shay'in alim. Surat An-Nur. Ce verset est un exemple qu'Allah a donné au Coran dans le cœur du serviteur. Comme disent le soutien, beaucoup d'exégètes d'ailleurs. Hein? Allahu nuru samawati wal ard mathal nurihi ka mishkat. La niche, mishkat, c'est la petite cavité dans le mur. La niche, c'est la poitrine du croyant, comme disent beaucoup d'exégètes. La lampe al-misbah, c'est le Coran dans le cœur du croyant. C'est le Coran dans le cœur du croyant. Et le cristal, Az-Zujaja, c'est le cœur lui-même. C'est le cœur. Donc, la lampe, c'est le Coran. Et le cristal, c'est Zujaja. Zujaja, ça veut dire le cœur du croyant. Ces interprétations ont été données par beaucoup de salafs, de plus prédécesseurs, notamment Ubay ibn Ka'b, Abdullah ibn Abbas, Mujahid. Vous pouvez trouver ça dans Jami' al-Bayan d'Ibn Jalil al-Tabari, le grand exégète. Hein? Comme a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit le cœur du croyant a été comparé au cristal. Parce que le cœur et le cristal ont en commun trois qualités. La limpidité, la finesse et la solidité. En effet, il a dit, le cœur du croyant voit la vérité à travers sa limpidité, cristal qui n'est pas sali par les choubouats et les chahouats. Il émane de lui de la compassion et de la miséricorde grâce à sa finesse. Voilà le point de commun entre le cœur et le cristal. Finesse, limpidité, il reste à solider. Et il fait effort contre les ennemis d'Allah et fait preuve de ténacité quand il s'agit de défendre la vérité. En vertu de quoi? En vertu de sa solidité. C'est pourquoi le Coran est, le cœur du croyant est assimilé au zujaja, au cristal. Cette lumière est alimentée par une matière qui est une huile issue d'un olivier. Cette huile est claire. Rien ne trouble sa clarté. Elle provient d'un arbre. C'est quoi? Shajara Mubaraka. C'est l'arbre de la révélation. Cet arbre n'est ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est-à-dire que le Coran est sur la voie du juste milieu, équité, sans déviation, ni à droite ni à gauche, ni vers le rigorisme ni vers le laxisme. Donc, chers frères, chères sœurs, il faut essayer de recevoir avec tous tes sens, les paroles du Coran. Citons comme exemple de cet accueil de la parole d'Allah avec les sens, avec le cœur, l'exemple, le cas de Adam et de son épouse, Hawa, Ève. Lorsqu'ils avaient mangé de l'arbre, là, je vous donne un exemple de la réception du cœur, avec le cœur de la révélation d'Allah et de ses paroles. Lorsqu'ils avaient mangé de l'arbre interdit, bon, les signes de l'égarement apparurent sur eux par la perte de leurs vêtements. Les vêtements ils ont perdu les vêtements du paradis qui couvraient leur corps. Et là, Adam demeura triste. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وعصى آدم ربه فغوى. Ils mangèrent alors du fruit défendu et aussitôt leur nudité apparut. Et pour le couvrir, ils se mirent à confectionner un vêtement avec les feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et se trouva égaré. Chute totale. Adam demeura dans la confusion, dans l'affliction. Qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant qu'il a désobéi à Allah, il a mangé le fruit du défendu. Il attend la délivrance. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala lui révéla des paroles. Il cherche la délivrance, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite lui révéla des paroles qu'on peut qualifier de lumière, qui vient lui éclairer le chemin. Ou une pluie salvatrice sur une terre aride, ou qu'on peut qualifier ces paroles d'esprit qui apporte la vie, et comme un remède. Allah lui a dit de faire l'invocation suivante, de faire le dhikr suivante: Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Dans Sourate Al-A'raf. Seigneur, nous avons été injustes envers nos âmes. Si tu ne nous pardonnes pas, et si tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons irrémédiablement parmi les perdants. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Il attendait ces paroles avec impatience. Il en avait besoin. Et quand ces paroles lui furent révélées, il les a reçues avec tous ses sens, avec tout son cœur. Qu'est-ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Baqarah? Fatalaq آدم ربه كلمات فتاب عليه. Adam reçut alors des paroles de son Seigneur et Allah accepta son repentir. فتلقى, réception, c'est comme ça que nous devons recevoir le Coran. Bien sûr, tout ce que je dis maintenant, c'est une introduction, c'est juste une introduction avant d'entrer dans notre sujet, à savoir l'histoire de Qaroun, qui fait partie des fils d'Israël, du peuple de Moussa, alayhi salam. L'histoire d'un riche insolent. Ça, c'est juste une introduction. Je dis, fatalaqa Adam. Je dis, comment nous devons recevoir la parole d'Allah? Regardez comment Adam a reçu cette parole, avec tous ses sens. Allah dit, fatalaqa Adam. Adam reçut alors des paroles de son Seigneur. Et quelles sont ces paroles? C'est Rabbana zalamna anfusana, Seigneur, nous avons été injustes envers nos âmes. Si tu ne nous pardonnes pas et si tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons irrémédiablement parmi les perdants. Ce sont ces paroles-là. Ils sont tombés comme une pluie salvatrice, comme un remède sur le cœur de Adam alayhi salam. Il les a reçus. Il les a reçus. Adam reçut alors des paroles de son Seigneur. Juste après, qu'est-ce qu'il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala? Fataba alayhi. Et Allah accepta son repentir. Comment ça? Regardez le verset, ce qu'il dit. Allah reçut alors des paroles de son Seigneur et Allah, Adam reçut alors des paroles de son Seigneur et Allah accepta son repentir. Allah n'a pas dit, il n'a pas dit Adam reçut alors des paroles de son Seigneur, puis les répéta, puis s'est repenti, puis Allah accepta son repentir. Et directement, il reçut les paroles de son Seigneur et Allah accepta son repentir. Cela veut dire qu'il était prêt, qu'il n'attendait que ça. À peine ces versets étaient-ils descendus sur son cœur, qu'il les prononça fervemment, avec ferveur, avec tous ses sens. C'est ainsi que le repentir est devenu une qualité inhérente à Adam jusqu'au jour de la résurrection. Il eut le privilège d'être le premier repentant. Le secret de ce repentir, ou le secret de ce privilège, est qu'il a pris les paroles du repentir par la voie du talaqi, la réception. Directement, il les a reçus, il s'est repenti très vite. C'est comme ça que nous devons traiter le Coran. Ainsi, chers frères, nous devons réciter le Coran en ayant le cœur et les sens prêts à recevoir les paroles d'Allah. Quand tu récites le Coran, il faut que tu te mettes dans la tête que le Coran s'adresse à toi. Tu dis, quel message Allah veut me transmettre? Je dois méditer, je dois prendre le sens des versets afin de modeler mon comportement sur les versets auxquels appelle le Coran. Donc, comme j'ai dit... au début de cette leçon, nous allons méditer ensemble les versets qui parlent de Qarun. Qarun faisait partie du peuple de Moïse. Et Qarun est le prototype de l'homme riche et insolent, de l'homme riche et avare. Bon, pour te prédisposer à recevoir les versets qui parlent de Qarun, cher frère, pour te prédisposer à éveiller tes sens, là je parle de moi. Je dis comment je vais accueillir ces versets avec tous mes sens. Je vais les réciter en étant conscient que ces versets s'adressent à moi. Même s'ils parlent de Qarun, ils s'adressent à moi. Si je suis quelqu'un d'avare, qui ne dépense pas ses biens en vue de plaire à Allah, qui ne dépense pas ses biens dans les œuvres de bien, je n'aide pas les familles musulmanes pauvres, je n'aide pas les étudiants en sciences religieuses. Quand on me demande de contribuer à financer la da'wa ou les du'ats, j'avance des excuses, je leur dis je paye les impôts, j'ai des problèmes, etc. Je n'aide pas les orphelins. Alors, si je fais comme ça, je suis avare, alors j'ai un point commun avec Qarun. Et je risque de subir un sort qui est analogue à celui de Qarun, en fonction de mon avarice. C'est comme ça que je dois réciter ces versets-là. Si par contre je suis quelqu'un de bienfaisant, qui est toujours prêt à aider ses frères dans la foi, aider ses parents, aider sa famille, à aider à financer la da'wa et tout, alors quand je lis ces versets-là, cela va renforcer ma foi et j'acquiers plus de conviction que mon salut réside dans la dépense dans la voie d'Allah et je me prémunis davantage contre l'avarice. C'est bon ? Là, on commence, inshallah, par ces versets-là. On commence par les versets de Surat Al-Qasas, Surat la narration, Surat l'histoire, qui parle de Qarun. يقول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قارون كان من قوم موسى. Allah dit Qarun était un membre du peuple de Moussa. Méditez ce verset. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce verset, de ces paroles-là? Inna Qarun kana min qawmi Musa. Qarun était un membre du peuple de Moussa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'était rien. C'est un inconnu. un simple monsieur qui fait partie du peuple de Moussa. Fabara alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Fabara alayhim. Inna Qaruna kana min qawmi Moussa. Fabara alayhim. Puis fit preuve d'un orgueil insolent à leur égard. Il n'était rien, puis tout d'un coup il est devenu insolent et il a dépassé les limites de l'injustice et de l'hostilité à l'égard des gens. Bara alayhim. Il les exploitait, il les rabaissait. Et qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu ainsi? Ben, l'argent. L'argent. Fabara alayhim. Généralement, celui qui était pauvre et qui devint riche tout d'un coup a tendance à être. À ne pas être reconnaissant à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne témoigne pas de la gratitude à Allah. Il oublie vite son passé. Contrairement à quelqu'un qui vivait déjà dans un milieu riche. Quelqu'un qui était pauvre, puis d'un seul coup il devint riche, ben, il a tendance à oublier les bienfaits d'Allah, à oublier son passé. Cela me rappelle le hadith qui se trouve dans les deux sahih hadiths al-Bukhari muslim, hadith d'Abu Huraira qui rapporte que le prophète sallam a dit « Inna thalathatan min bani Israël, aradallahu an yabtaliyahum abrasa wa aqra'a wa a'ma » Il a dit le prophète sallam, Allah voulait éprouver trois fils d'Israël, un lépreux, un teigneux et un aveugle. « Faba'ata ilayhim malakan » Il leur envoya un ange. Allah sallam, il voulait éprouver ces gens-là, ces trois personnes-là, et leur envoyer un ange. فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك. Il leur envoya un ange qui s'adressa au lépreux en ces termes. Il lui dit quel est ton plus cher désir. قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. Alors lépreux, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit une belle couleur de peau, une peau saine, et que c'est cette maladie qui fait que les gens éprouvent de la répulsion pour moi. ويذهب عني الذي قد قذر الناس. فمسحه le prophète صلى الله عليه وسلم dit فمسحه فذهب عنه قذره واعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. L'ange passa sa main sur le corps du lépreux. Bien sûr, l'ange il est venu revêtant la forme d'un être humain. L'ange passa sa main sur le corps du lépreux et sa maladie cessa. Et il eut une peau saine et de belles couleurs. Non seulement il eut une peau saine, mais aussi d'une belle couleur, double bienfait. فَقَالَ أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ. Et l'ange lui demanda, quelle sorte de bien aimes-tu le plus? قَالَ الْإِبِلِ. Il répondit, les chameaux. فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. Il lui fut accordé une chamelle sur le point de mettre bas, et l'ange lui dit qu'Allah y mette de la bénédiction pour toi. وَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ. Ensuite, l'ange se rendit auprès du teigneux et lui dit quelle est la chose que tu aimes le plus. قَالَ شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ. فمسحه عنه واعطي شعرا حسنا. Il a répondu, quelle est la chose que tu aimes le plus? Le teigneur, il a répondu, de beaux cheveux, et que disparaisse enfin cette maladie qui fait que les gens me trouvent répugnant. فمسحه, l'ange passa sa main sur la tête de l'homme, واعطي شعرا حسنا, une belle chevelure lui fut accordée. قال أي المال أحب إليك, lui demanda quelle richesse préfères-tu le plus. قال البقر. Il a dit les vaches. فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها. Il reçut alors une vache sur le point de mettre bas, une vache pleine, et il lui dit qu'Allah y mette de la bénédiction pour toi. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك. L'ange se rendit ensuite chez l'aveugle, il lui dit quel est ton plus grand souhait. قال أن يرد الله بصري. فأبصر الناس. قال أن يرد الله بصري فأبصر الناس. Qu'Allah me redonne la vue pour que je puisse voir les gens. L'ange passa la main sur les yeux de l'homme et Allah lui rendit la vue. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال أي المال أحب إليك. Il lui demanda quelle richesse aimes-tu le plus. قال الغنم. Et il lui répondit des moutons. فأعطي شاة والدة il lui fut accordé une brebis avec son agneau. Remarquez, chers frères, dans ce hadith, le premier ne s'est pas contenté de demander une peau saine, mais une peau saine et de belle couleur, c'est-à-dire plus que le nécessaire. Et il a demandé, le premier, je dis le premier, c'est-à-dire le lépreux, et il a demandé une peau saine et une de belle couleur. Et il a demandé combien? Il a demandé les biens les plus chers, il a demandé les chameaux. De même, le deuxième, il a demandé plus que le nécessaire. On ne s'est pas contenté de demander des cheveux, mais de beaux cheveux. Et le fait qu'ils disent et que disparaisse enfin ce mal qui fait que les gens me trouvent répugnant, trahit du courroux, un certain courroux à l'égard de la décision d'Allah. Ils ne sont pas satisfaits de ce qu'Allah a décrété pour eux. Cela montre aussi qu'ils donnent beaucoup d'importance au regard des gens sur eux. Ils s'intéressent aux gens plus qu'ils ne s'intéressent à eux-mêmes. Quant à l'aveugle, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a demandé qu'une chose, de recouvrer la vue. Il n'a pas demandé, il n'a pas demandé de beaux yeux. Ça montre quoi? Sa modestie. Remarquez autre chose. Quand l'ange demanda à l'aveugle son plus cher désir, il répondit qu'Allah me redonne la vue. Ayu shayin ahbu ilayk ay yurd Allah ilayya basari. Qu'Allah me redonne la vie, la vue. Il a invoqué Allah, tandis que les autres, le lépreux, il a dit une belle couleur et une peau saine. Directement, il n'a pas dit Allah me redonne. De même, le teigneux, il a demandé de beaux cheveux directement. Ils n'ont pas mentionné le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autre remarque, le lépreux, il a exprimé les chameaux. Le teigneux, les vaches. Alors que l'aveugle était modeste, il n'a demandé que des moutons. Généralement, chers frères, ça c'est quelque chose de subtil. Généralement, les gardiens de troupeaux de moutons sont compatissants. C'est pourquoi tous les prophètes étaient des gardiens de moutons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte l'imam Bukhari dans son sahih, Allah n'a pas envoyé hadith ma ba'ath Allahu nabiyyan illa ra'a al-ghanam. Allah n'a pas envoyé de prophète sans qu'il n'ait gardé le troupeau de moutons. Et les compagnons lui disent « Wa anta ya Rasulallah, même toi ?» lui demandèrent les compagnons. « Faqala sallallahu alayhi wa sallam, na'am kuntu ar'aha ala qararita li ahli makkata. » Il a dit « Oui, je l'ai mené paître pour les Mekwa contre quelques qararites, c'est-à-dire quelques dirhams. » Et il a dit dans un autre hadith « Al-fakhru wal-khuyala'u fi ashab al-ibel, wa-sakinatu wal-waqaru fi ahli al-ghanam. » Il a dit « L'orgueil et l'arrogance se trouvent chez les gens possédant les chameaux. » La quiétude et la sérénité chez les gens possédant les moutons. D'accord, donc c'est un flux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fa anta hadhan wa wallada hadha fa kana li hadha wadin min al ibil wa li hadha wadin min al baqar wa li hadha wadin min al ghanam. Il a dit chamelles, vaches, brebis se multiplièrent à tel point que les chameaux du premier homme étaient si nombreux qu'ils pouvaient remplir toute une vallée de long en large. Le deuxième, un troupeau de vaches pouvant remplir une vallée de long en large. Le troisième aussi, un troupeau de moutons. Et là, l'heure de la mise à l'épreuve arriva. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayati » Un jour, l'ange alla trouver le premier en revêtant l'aspect que celui-ci avait avant sa guérison. C'est-à-dire, l'ange est venu avec cet aspect-là. Une peau laide et lépreuse et dans un état de grande misère. Ainsi, quand il verra cet homme, il se rappellera de son passé et s'émouvra, hein, mis à l'épreuve, si vous voulez. Un jour, l'ange alla trouver le premier, le lépreux. Il alla trouver le premier en revêtant l'aspect que celui-ci avait avant sa guérison. Il a dit Il lui dit, je suis un homme pauvre, je n'ai plus de moyens pour terminer mon voyage. Et là, il lui exposa sa situation. فلا بلغ بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. Il a dit, je n'ai aujourd'hui personne qui puisse m'aider à parvenir à ma destination, si ce n'est Allah, puis toi. Il lui montra son indigence, lui exposa sa situation, et il est venu dans un état, l'état que cette personne-là avait avant sa guérison. Et là, il lui a dit, l'ange a dit, As'aluka billadhi a'taka al-lawna al-hasana, wal-jild al-hasana, wal-mala, ba'iran atabalagu bihi fi safari. Il dit, je te demande par celui qui t'a accordé une si belle couleur, une si jolie peau et toutes ces richesses de me donner un seul chameau pour que je puisse continuer mon voyage. Voilà, il le conjura au nom d'Allah. Il lui a rappelé les bienfaits qu'Allah lui a accordés. Il lui a demandé un seul chameau, pas 100, pas 20, pas une vingtaine, pas une centaine. Il a une vallée de chameaux. De long en large, il lui demande un seul. Qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu, le lépreux? Il a dit, « Faqala, al-hukuku kathira. » L'homme répliqua, « J'ai beaucoup de charges. » Subhanallah, plus l'homme devient riche, plus il se plaint du manque d'argent. Tu le vois construire des immeubles et il se plaint quand même. Et ça, on le constate chez... Même chez les frères Multazimin, au début, quand ils étaient au chômage, ils aidaient les pauvres, ils contribuaient dans les œuvres de bienfaisance, ils finançaient les du'ats. Mais quand ils ont trouvé un travail où ils sont bien payés, ils ont un bon salaire, dès qu'on leur demande une simple contribution, ils se répondent en plainte. « Oh, j'ai beaucoup de charges, les impôts, le loyer, mon salaire ne me suffit pas. » Bien sûr, Harry, que ton salaire ne te suffira pas. Tu n'es pas reconnaissant à l'égard d'Allah. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa idh adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Allah dit, souvenez-vous, lorsque votre Seigneur proclama, si vous me témoignez votre gratitude, je vous accorderai surtout davantage de bienfaits. Allah a juré de vous accorder davantage. La azidannakum, le lam al-qasam, le lam du serment. La azidannakum. C'est comme si Allah jurait qu'il va accorder davantage de bienfaits. Wala in kafartum in azabi la shadid. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala sourate Ibrahim. Et si vous montrez ingrat, mon châtiment est terrible. Le châtiment, déjà dans ce monde, avant l'au-delà, la privation de la bénédiction, des problèmes conjugaux, des problèmes avec les collègues de travail, problèmes de santé, les catastrophes, les accidents, etc. etc. يقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان ما من يوم chaque jour qui se lève sur un serviteur deux anges descendent du ciel إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الثاني اللهم أعط ممسكا تلفا. Le premier ange dit, Seigneur, restitue à l'homme qui dépense dans les œuvres pies ce qu'il aura dépensé. Et l'autre ange dit, invoque Allah en disant, Seigneur, inflige une perte à l'avare. Des anges qui nous désobéissent pas à Allah. Ils font ces invocations. Et ça, subhanallah, on le voit en nous. C'est comme si ces deux anges-là sont exaucés. Parce que, je vous donne un exemple concret. Quand quelqu'un, par exemple, achète plus que le nécessaire, c'est-à-dire si un kilo, par exemple, de fruits, un kilo de pommes de terre suffit à sa famille, il achète 2 kilos, il les ramène, il mange le kilo, puis l'autre kilo, il est pourri. Combien de légumes sont pourris chez nous? On les laisse pourrir. Combien de le pain, il moisit. Beaucoup de choses, on l'achète et on la jette. On n'en profite même pas. C'est comme si, on les retient. Au lieu de donner cet argent-là, au lieu de surplus, ce surplus, au lieu de le donner à des pauvres, on le retient. Les conséquences, on les voit chez nous. Beaucoup de choses, les légumes pourrissent, les appareils, des choses qui nous servent à rien, on les garde. Et si au moins on les donnait au monde, on sera récompensé. Inch'Allah, la semaine prochaine. je continue ce hadith, je continue l'histoire de Qarun qui se trouve dans Surat Al-Qasas. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.